Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Avant d'être chanté, le tango reste une musique de danse. Mais comme l'on aime les voix des chanteurs et des chanteuses de tango, donc cap sur l'Argentine et les années 30 pour nous rafraîchir la mémoire en compagnie d'Amaury Chardot. Métronomique, première diffusion sur France Culture le 21 octobre 2017. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cela concerne le temps. Je vais vous demander à présent d'assister à la démonstration de la possibilité de mouvement à travers le temps. Comment ferez-vous pour revenir ? C'est un risque que je suis prêt à courir. L'espace. Amaury Chardot. Une page d'histoire arrachée au temps et mise en récit par un texte, des archives et une bande originale sur mesure. Trajectoire singulière, épopée collective, une heure pour rêvasser en musique. Voici Métronomique, chaque vendredi de 14h à 15h et sans limite sur franceculture.fr. Un lieu, une musique et un homme. Aujourd'hui, Métronomique, ce sera un peu l'histoire de tout cela à la fois, le destin croisé d'une ville, Buenos Aires, d'une musique, le tango et d'un homme qui lui donnera ses lettres de noblesse, Carlos Gardel. Buenos Aires qui, en ce début de XXe siècle, affichait face à l'Europe en crise un dynamisme insolent. Lieu de brassage et de métissage, ses marges virent alors la naissance de danse de mauvais garçons. Dans cette histoire, on croisera pêle-mêle une cocotte en papier, des parfums musqués, une ville de pêché, des coups de feu en décembre, et l'amour sous toutes ses formes. Aujourd'hui, Métronomique 1935, Buenos Aires, le tango orphelin. Combien sont-ils massés le long du parcours ? Des centaines de milliers ? Un million, peut-être ? Jamais la ville n'a connu un tel rassemblement spontané, à part peut-être, lors des obsèques, 2 ans plus tôt, du vieil Irigoyen, le premier président jadis élu par le peuple argentin. Buenos Aires, ce 6 février 1936, n'est plus qu'une foule immense, chavirée, fervente, grave, massés, compacts sur les trottoirs, juchés aux fenêtres et aux balcons, agrippés aux lampadaires. Partout où il est possible de s'infiltrer, le long de la gigantesque Avenida de Corrientes que doit emprunter le cortège. Tous veulent apercevoir une dernière fois l'homme qu'ils pleurent depuis des mois. Depuis ce maudit 24 juin 1935, lorsque l'avion qui devait ramener Carlos Gardel de Colombie s'était écrasé au décollage dans des circonstances aussi obscures que tragiques. Il avait fallu 8 mois pour que le corps du chanteur soit rapatrié en bateau via Montevideo jusqu'au port de Buenos Aires, où il était arrivé la veille. Là, toute la nuit, les portuenos avaient veillé sa dépouille dans le Luna Park, qui accueillait habituellement les combats de coqs, mais qui, pour l'occasion, avait été transformé en chapelle ardente. Là, tout le monde n'avait pas pu entrer. Il y avait eu des bousculades, des sanglots, des crises d'hystérie. Mais quelques heures plus tard, ce jeudi 6 février au matin, la ville était redevenue silencieuse, bruissante et recueillie, le long de l'Avenida de Corrientes, cette artère si intimement liée à l'histoire du tango qu'empruntera dans un instant le corbillard tiré par 8 chevaux jusqu'au cimetière de la Chacarita. Dans cette foule, qui s'étend sur près de 5 kilomètres, des hommes en noir, des femmes en deuil, visages fermés, des familles entières qui pleurent, encore et toujours Gardel, comme s'il s'agissait de leur propre fils, de leur propre mari, de leur père. Dans cette large et longue avenue se profile d'ailleurs le convoi lugubre. À son passage, les hommes se découvrent. Noyés parmi eux, ayant réussi à se faufiler jusqu'au premier rang, un petit garçon, haut comme trois pommes. Lui n'a pas de chapeau à ôter, pas un peso pour en acheter un, alors le matin même, il s'en est confectionné un, pliant la page d'un quotidien abandonné sur un banc. Et les yeux embués de larmes, fixés sur les 8 chevaux qui avancent d'un pas cadencé, il soulève solennellement sa grosse cocotte en papier, son couvre-chef de fortune, qu'il repose sur sa frêle poitrine, secouée de sanglots. Muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, si apenas tiempo, me toca a mí y emprender la retirada. L'arrêter? Mais oui, pourquoi? Parce que ce tango, c'est le tango qui porte malheur. Comment un tango qui porte malheur? Bien sûr, ce tango, c'est Adios Muchachos, oui, que chante Carlos Gardel. Oui. Et c'est d'ailleurs le dernier tango que Carlos Gardel a chanté, le 23 juin 1935, le jour où il est monté dans un avion qui le menait de Bogota en Colombie à Cali, sur les côtes colombiennes. Et l'avion s'est écrasé entre Bogota et Cali. Et depuis ce jour-là, en signe de deuil et en signe de malchance, aucun chanteur de tango n'accepte de chanter, aucun joueur de tango n'accepte de jouer ce tango Adios Muchachos, qui veut dire adieu les amis. Alors soit, si on ne peut pas commencer par la fin, prenons donc les choses autrement. Un, deux, trois, quatre. Fusion de tango et de musique électronique, ce Pa Bailar par le groupe argentino-uruguayen Bajo Fondo, 2007. Revenons donc des décennies plus tôt, bien avant la disparition de Carlos Gardel. Prenons Buenos Aires, disons, vers 1910. Ce jour-là, il règne sur le port une intense activité. Le long des gigantesques quais de briques rouges, plusieurs paquebots venus d'outre-Atlantique déversent par centaines leur flot de nouveaux arrivants. Des immigrés, essentiellement européens. La plupart sont italiens, mais aussi allemands, français. Il y a aussi des juifs fuyant les persécutions de Russie, des basques, des espagnols de Galice, quelques libanais et même des africains. Tous sont venus tenter leur chance à l'autre bout du monde, dans cette ville qui, depuis quelques décennies, fait figure d'Eldorado. En 30 ans, il en est ainsi arrivé des millions comme eux, faisant de Buenos Aires la ville la plus peuplée d'Amérique latine. Descendant lentement les passerelles, parmi les panaches de fumée des paquebots, ils stationnent ensuite, les traits tirés par ce long voyage et l'appréhension, le long des barrières qui canalisent leurs flots devant la Dirección de Migraciones, où après une heure d'attente, ils verront officiellement tamponner leur entrée dans ce bout du monde où, leur a-t-on dit, il y a de l'ouvrage pour tous les courageux qui veulent bien se donner du mal. Bref, ce jour-là, le port de Buenos Aires résonne de mille langues. Par les fenêtres des fiacres qu'ils empruntent ensuite pour progresser vers le centre, ces déracinés aperçoivent également, errant le long des larges avenues ombragées ou bien assis au pied des imposantes façades de style espagnol à jouer aux osselets, le regard plein de défiance, d'autres nouveaux venus, en bottes et chapeaux, la peau burinée par le soleil. Eux sont arrivés dans la nuit par les terres. Eux parlent la langue locale, mais ils n'en sont pas moins désorientés sous la lumière du matin. Eux, ce sont les gauchos, drainés vers la grande ville à travers l'immense pampa qui entoure Buenos Aires et qui, depuis des années, et l'invention du fil de fer, pousse dans ce même mouvement d'attraction les cow-boys vers Buenos Aires. Tous sont venus ici trouver, le long de ce Rio de la Plata, ce fleuve d'argent, la fortune. Otros tiempos, la más papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo ya no va para el bulín. Ya no tienen sus ojazos esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Está enferma, sufre y llora, y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florecita de fango, oye en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sinsabores que la invitan a llorar. Thank you. al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado su cansado corazón. Pauvre gonzesse qui a tenu les gens ensorcelés et qui a su, par un regard, déclencher une passion. Aujourd'hui, plus personne ne se glisse avec tendresse à ses côtés. Pauvre gonzesse du faubourg, restée sans amour. Enregistrée en 1961 par le grand chanteur Roberto Goyeneche, accompagné par l'Orchestra Tipica d'Annibal Troilo, ce El Motivo, narrant l'histoire d'une reine de la nuit qui, soudain, se retrouve nue. Buenos Aires, ce début de siècle, est donc devenu une immense fourmilière. Faute de logements disponibles, les immigrés s'entassent souvent là où ils le peuvent, notamment dans les milliers de conventillos, littéralement des petits couvents qui n'ont de religieux que leur plan, une cour entourée de chambres rappelant vaguement celle de nonnes. À l'intérieur s'y entassent des familles nombreuses, mais aussi toute une population qui n'a rien d'enfant de cœur. Des célibataires, des marins, des marlous, des maçons, des ouvriers, équarisseurs, proxénètes. Des types qui jouent au dé ou à la pétanque, boivent en dissertant sur la mère ou la grand-mère d'un tel, se provoquent, finissent par se mettre sur la gueule. Dans la cour, de grands lavoirs servent à la lessive ou à la toilette. On y nettoie autant les légumes que les outils. Chaque vendredi, la encagarda, la concierge, récupère le loyer de chacun pour le faire parvenir au propriétaire que personne n'a jamais vu. Les conventillos sont les lieux de rencontre de tous ces émigrants, de tous ces voleurs, joueurs ou escrocs. Il est pourtant difficile, au milieu des enfants qui courent et des femmes qui s'affairent, de s'isoler dans un tel lieu. Alors souvent, les hommes s'en vont au café. Dans ces cafés où les femmes sont regardées comme des choses étranges, là aussi, ces types, à toute heure du jour et de la nuit, jouent aux dés, aux échecs, au billard. Ou bien ils causent à l'infini en lunfardo, cet argot de Buenos Aires, cette sorte d'espagnol parlé avec l'accent italien et qui incorpore aussi des mots de mille autres langues. Souvent, vu que la fortune s'avère hélas pour eux plus difficile que prévu à atteindre, ils y égrènent, à l'infini, leur nostalgie. Certains causent, d'autres chantent aussi au son de guitares déglinguées. Cette musique, depuis peu, ces hommes la dansent aussi, depuis qu'une nuit, dans la torpeur et les relents fétides de sueur et d'alcool, un de ces types s'était levé et s'était mis à chalouper dessus. Bientôt rejoint et empoigné par un de ses compagnons d'infortune, et tous deux avaient entamé une danse ironique, disant leur ivresse et leur besoin de réconfort face à la douleur de l'exil et de l'infortune avec les femmes. Ainsi était né le tango. Musique gaie, canaille et sautillante, le tango, bien vite, se teinte de mélancolie. Il faut les imaginer, ces types, mélange de gauchos et de délinquants siciliens, ces beaux parleurs virils se mouvoir au son d'une guitare à laquelle se joint parfois une flûte, un sentimental bandoneon ou bien simplement un orgue de barbarie. Danser entre eux, ce pas de deux impudent et spectaculaire, mêlant toutefois à l'érotisme de la danse la distance nécessaire pour ne pas passer pour des homosexuels. S'y joignent aussi quelques femmes de mauvaise vie, des prostituées, les seules qui osent s'aventurer dans ces lieux interlopes. Necesito el recuerdo matar, sin un amigo lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar, beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar, no es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si l'ho fatto conversare nella palma de mi via, de che modo la queria, con che fiebre la adoré. Quantas veces de rodillas tembloroso yo me hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. No voy obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. A ta santé, sortons les vers, car j'ai besoin de tuer le souvenir, sans amis, loin de ce qui me permet de vivre, je veux noyer ma peine à tes côtés. Bois avec moi, et si, pendant la chanson, ma voix s'altérait, ça n'est pas parce que je pleure, parce qu'elle m'a trompé. Je sais très bien qu'un homme ne doit pas pleurer. Tomo y obligo, Carlos Gardel, 1931. Le tango était donc d'abord né dans les bars louches des quartiers malfamés, peuplés des compadres, mais aussi dans les bordels. Car Buenos Aires, depuis la fin du XIXe siècle, était devenue la capitale de la prostitution, celle de la traite des blanches. Parmi elles, nombreuses sont les franchusas, ces françaises paumées que les promesses mirobolantes de leur mac avaient décidé à venir tenter leur chance ici. Le phénomène est tel qu'en 1927, Albert Londres viendra leur consacrer une retentissante enquête intitulée « Le chemin de Buenos Aires ». À la fin du 19e, et le phénomène s'accentuera dans l'entre-deux-guerres, l'Argentine connaît une extraordinaire croissance, à l'inverse de l'Europe, plongée dans la crise. Une classe moyenne s'y développe, avide de divertissement. Ainsi, les bordels de la ville sont-ils pleins de ces Françaises, mais pas seulement, on trouve aussi une importante filière de prostitution, menée par ceux qu'on surnommait alors les Polonais, qui, face au drame des ghettos juifs de Russie ou de Pologne, avaient eux aussi vu l'intérêt de prendre la tangente vers l'ouest. Bref, quelles que soient leurs origines, ces filles seules osent accompagner les hommes dans ces tangos mélancoliques qui racontent ce désir éperdu de trouver un jour, pour les accompagner dans un pas de deux, l'amour, le vrai, le véritable. Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Y conjuro extraño de un amor hecho cadencia se abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Alevócate, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que tengo más a mi madre. Siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancampón pasa hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina. Y hasta acomodo del bacán y la pebeta. Y por vos, Yuyeta, canarreo y misiadura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de falta, asqueros en taco y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de falta, asqueros en taco y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Avec ce tango est né le tango et comme un cri, il sortit du quartier malfamé en cherchant le ciel. Rituel étrange d'un amour cadencé qui ouvrit des voies sans autre loi que l'espérance, mélange de rage, de douleur, de toi et d'absence, pleurant dans l'innocence d'un rythme guilleret. Interprété bien plus tard par Susanna Rinaldi, ce tango, qui ne comportait d'abord pas de paroles, intitulé El Choclo, l'épi de maïs, avait d'abord été joué en 1903 par l'orchestre de José Luis Roncalo dans le restaurant El Americano. Car, peu à peu, le tango sort des seuls bordels pour gagner le reste de la ville. Cette expansion s'opère de deux façons. Il y a d'abord quelques marins ou quelques voyageurs bourgeois qui, à la faveur de voyages, propagent les premières partitions du tango jusqu'en Europe et notamment jusqu'en France. Bientôt, une véritable tangomania s'emparera d'ailleurs de toute l'Europe. La validation de cette musique canaille sur ce vieux continent objet d'admiration est décisive. Et puis, dans le même temps, quelques bourgeois porteños poussent les portes des maisons closes pour venir s'y encanailler eux aussi. Ils fréquentent aussi les cabarets. Là, ils goûtent au vice de cette ville de fous, comme la dénonce un éditorialiste local. Ces bourgeois fréquentent aussi les fumeries clandestines d'opium où beaucoup de femmes sniffent discrètement de la cocaïne qu'elles cachent dans leur poudrier. Le tango se propage à la faveur de ces mélanges sociaux. D'autant que Buenos Aires, ces années 1900-1910, est alors en pleine révolution urbaine. Grâce à l'argent généré par l'exportation de céréales et de matières premières, de grands travaux sont lancés pour ouvrir l'ancienne ville coloniale aux rues étroites et étouffantes et la redessiner selon un vaste plan en damier, de longues avenues aux larges trottoirs où s'alignent des rangées de platanes et les terrasses des cafés. S'y ouvrent de luxueux salons de thé avec lustres, services en porcelaine et nappes brodées. S'y multiplient des théâtres où, sous l'influence des Italiens, sont donnés de plus en plus d'opéras dont la mode gagne alors toute la ville. Le célèbre théâtre Colonne, où l'aristocratie argentine possède ses loges, devient très vite le troisième plus fameux opéra du monde après le Palais Garnier et celui de Vienne. Ailleurs, comme au théâtre Mayo, à l'angle de la Calle de Lima, on donne aussi des opérettes et des comédies. Et puis il y a les autres salles, certes moins élégantes, mais où les immigrants assistent dans les volutes des cigares à des spectacles à succès, inspirés des Misérables ou du Comte de Monte Cristo. C'est donc dans cette ville en pleine effervescence culturelle qu'avait débarqué à la toute fin du siècle précédent celui qui allait devenir l'idole nationale, un certain Carlos Gardès. Gardès, car il est né à Toulouse et il est arrivé dans les bras d'une mère que la honte de s'être fait engrosser par un homme déjà marié avait poussé à fuir la France. À Buenos Aires, la famille Gardès s'était installée loin des beaux quartiers, rue Jean Jaurès, près du fameux Abasto, bâtiment de style art déco abritant le marché central de fruits et légumes. La zone est le repère des immigrants, des maisons closes, des conventillos, des cantinas et des théâtres. C'est l'une des plus dangereuses de la capitale. Les duels au couteau y sont quasi quotidiens. Dans les rues, les cafés ou les lupanars, le tango s'y danse donc depuis des décennies lorsque le jeune Carlos, qui très tôt montre des dispositions pour la musique, commence à se produire dans les cafés contre quelques pièces de monnaie ou bien un repas chaud. On aime le timbre de sa voix. Il écume les bars populaires de la capitale, tant et si bien qu'à 16 ans, il quitte l'école pour se consacrer tout entier à sa passion. En 1910, il commence à se produire régulièrement dans un café, au Rondman. Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción. Con ella va mi vida, en mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noche por día va formando, dicha su llanto muy junto va, risas y besos, parras corridas, todo se olvida con el champán. Y a la salida de la milonga se oye una nena pidiendo pan. Pobre su escuela de gozar, siempre sollosa una pena. Al compás rezongón de los fuelles, un bacán asumido de embrolla, y el llorar del violín va pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual una querida, si estás lejos mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte. L'amour de Buenos Aires chanté par Carlos Gardel quelques décennies plus tard. Gardel qui, à l'époque où nous le retrouvons, s'appelle encore Gardès. Il rencontre alors un homme qui donnera une impulsion décisive à sa carrière, un certain José Razzano. Ensemble, ils se produisent lors de la nuit de la Saint-Sylvestre 1913 à l'Armenonville, un grand cabaret ouvert un an plus tôt. Ils y chantent des criollas, des chansons créoles. Puis, les années suivantes, ils effectuent ensemble nombre de tournées en Argentine, mais aussi en Uruguay, au Brésil, jusqu'en Espagne. C'est à cette époque que Gardès change son nom en Gardel et qu'il va se tourner vers le tango chanté, avec des chansons qui, par leurs paroles sulfureuses, feront souvent scandale. Même si, souvenons-nous, avant que d'être chanté, le tango reste une musique de danse. Danse donc. Prenons un couple au hasard, un homme, une femme. Elle, en équilibre contre la poitrine de son partenaire, son visage enfoui au creux de son cou. Elle peut sentir, au gré de sa respiration, tantôt son col imprégné de parfum, tantôt l'odeur de sa nuque, musquée et sucrée. Concentrée sur la musique, le souffle de l'homme caresse son oreille et se perd entre les omoplates que l'échancrure de sa robe découvre. Le frisson qui la saisit hérisse sa peau et se propage jusqu'à ses mains légèrement moites la gauche plaquée sur l'épaule et la droite entrelacée à celle de son partenaire. Alors que l'accordéon égrène les dernières notes de l'introduction, le temps se suspend. La femme guettant de tout son corps la première impulsion de l'homme qui, dans 3, 2, 1 seconde, va entamer ce tendre duel. En attendant, elle sent son pouls battre jusque dans la plante de ses pieds. Un silence, puis la bataille commence. Au gré du tempo, les pas du couple esquissent au sol le croquis immuable de la milonga. Alors que les corps s'éloignent, se rapprochent et virevoltent, la femme ploie, résiste, cède et prend sa revanche tandis que sa jambe se fait liane pour s'enrouler autour de celle de son partenaire avant de s'en éloigner comme piquée par une épine. Bientôt, le rythme du bandoneon s'emballe et puis il s'arrête, brusquement, laissant les deux danseurs entremêlés dans une figure finale, leur cœur battant à l'unisson. Le souffle court, il reste encore quelques instants l'un contre l'autre avant que chacun ne reprenne ses esprits, comme si tout cela n'était qu'un rêve. Sur l'estrade, l'orchestre attaque alors un autre morceau. Monsieur Juancito Diaz, voulez-vous tenter de définir le tango du point de vue de l'Argentin? L'importancia es grandiosa porque representa nuestra vida, toda una vida de música del corazón y del pueblo argentino. Est-ce que les réactions des audiences étrangères devant le tango sont semblables à celles du public de votre pays d'origine? La reacción del público extranjero es tan grande que adoptan de inmediato nuestro tango bailándolo, como escuchándolo, como ejecutando. Pouvez-vous nous dire, monsieur Juancito Diaz, si ce tango a subi des influences étrangères? Ah non, ninguna. Es exclusivo argentino. Le pianiste de tango argentin Juancito Diaz dans cette archive RTF de 1950. Si donc le tango ne doit alors rien aux influences étrangères, il avait donc d'abord été une musique de danse, donc jusqu'à ce que vers 1917, Carlos Gardel, El Pibe Carlitos, n'invente, n'innove et ne se décide à le chanter avec le célèbre Mi Noche Triste, narrant les mésaventures d'un homme trahi par une femme. Y afín en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campaneando tu retrato, pa' poderme consolar. De noche cuarzo mi acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, me hago ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera como. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay con el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con un bonito, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuernas vibrar. Y la lámpara del cuarto, tu ambiente ausencia sentido. Fille qui m'a abandonné au meilleur moment de ma vie en me laissant l'âme blessée avec des épines dans le cœur, tu savais bien que je t'aimais. Pour moi, il n'y a plus de consolation, c'est pourquoi je me saoule pour oublier mon amour. Et la lampe de ma chambre aussi a senti ton absence parce que ta lumière n'a pas voulu éclairer ma nuit triste. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Le tango dont les paroles dès lors ne cesseront de célébrer une poignée de thèmes désespérés. L'enfance, l'amitié entre muchachos, mais surtout l'amour donc décliné sous toutes ses formes, l'amour de la mère, l'amour des femmes, l'amour blessé, la nostalgie de l'amour perdu, la faute à ces belles qui nous ont fait cocu avant de s'envoler, la solitude des hommes délaissés. Le tango des années 20 et 30 est l'expression des porteños dans toute leur âme. Milonga sentimental, otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejor cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. Pa' decirte que sí a veces o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Enregistrée en 1933, cette milonga sentimentale par la chanteuse Mercedes Simone, surnommée la Dama del Tango. Dans ces années-là, Buenos Aires est donc un melting pot où se croisent tous les milieux sociaux dans des nuits parfois périlleuses. Ainsi, celle du 10 décembre 1915 qui vit Carlos Gardel, lors d'une soirée au Palais des Glaces, un dancing de luxe, s'attirer les jalousies d'une bande de fils de famille avides d'en découdre avec les guapos des quartiers populaires. Gardel finit sa nuit, une balle dans le poumon gauche, mais s'en remet grâce à sa constitution robuste. L'agresseur, lui, appartenant à la haute société argentine, s'en sort sans même une convocation du juge. Ceci dit, Gardel, même si son mythe plus tard lissera son image, était loin d'être un enfant de cœur. Une découverte récente a d'ailleurs permis de lever le voile sur une partie de sa jeunesse, mettant en évidence plusieurs arrestations par la police, tandis qu'il s'adonnait à une arnaque alors courante à Buenos Aires, celle dite du conte de l'oncle, un subterfuge où, un peu comme au bonto, on appâte dans les tavernes le crédule avec l'aide d'un comparse afin de lui soutirer de l'argent. Veneno hasta verme como loco, revolcándome en el suelo, sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero, cuando me veas borracho, canturriendo un tango obsceno, y entre blasfemias y risas, armar camorra los ebrios, no me arrojes a la calle, buen amigo tabernero, ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Idiot de barman avec tes breuvages de feu, continue de remplir ma tasse avec ton putain de poison jusqu'à ce que je ressemble à un fou et que je roule sur le sol, continue de remplir ma tasse. L'alcool triste, encore et toujours dans la voix chaude de Francisco Fiorentino dans cette composition de l'immense bandéoniste, compositeur et chef d'orchestre Annibal Troilo, enregistré en 1941. Troilo, un fils de boucher, à qui sa mère, vendeuse de cigarettes, avait acheté à crédit lorsqu'il avait 10 ans son tout premier bandoneon, n'en payant que 2 traites, le créancier ayant ensuite disparu. Todos los que son borrachos, no es por el gusto de serlo, solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio. Sigue llenando mi copa, que ya no tengo remedio. Gardel, pour revenir à notre héros, connaît ces années-là un succès retentissant. Il multiplie les tournées à l'étranger. En 1925, il se produit à Madrid et à Paris. Il apparaît également dans plusieurs films. En 1934, il est à New York pour les besoins d'une production. Sur le plateau de tournage, il fait la connaissance d'un jeune Argentin de 13 ans, un joueur de bandoneon, un certain Astor Piazzolla. Il se lie d'amitié avec ce gamin, d'autant que lui ne parle pas l'anglais et que l'autre lui sert d'interprète. L'année suivante, il effectue une grande tournée en Amérique centrale et en Amérique latine. Il est à Puerto Rico, où il joue un mois durant à guichet fermé. Puis c'est le Venezuela, où la police de Caracas doit lui frayer un chemin jusqu'à la salle archibondée. Et puis, c'est la Colombie, Medellín et Bogota, un triomphe à chaque fois. Et puis le Panama, et puis, jusqu'à cette maudite journée de juin 1935 où, sous les yeux des caméras des actualités, Gardel le Magnifique, dans son costume blanc, grimpe dans son avion, cet aeroplano. Thank you. tout écrit sur les circonstances de la mort de Carlos Gardel. J'ignore ce qui est vrai. Selon certains, son avion, tandis qu'il roule sur la piste de décollage, est percuté par un autre aéronef, et puis c'est l'incendie. On raconte aussi que l'accident aurait été provoqué par un coup de feu tiré par Gardel lui-même sur son parolier. Ou bien, c'était un problème de transmission qui avait fait s'abîmer son avion en bout de piste. C'est le lot des mythes que de générer des versions contradictoires. Le mythe Gardel qui ne se démentira jamais, qu'on en juge aux ex-voto gravés ou déposés chaque jour depuis sa mort sur sa tombe du cimetière de la Chacarita. Un mythe inouï et planétaire, un mythe qui fera beaucoup par la suite pour la gloire du tango, à l'image de l'un de ses tubes, composé par Astor Piazzolla, la Ballada para un loco, la ballade pour un fou, chantée ici en 1970 par Amelita Baltar. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste. Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente de atrás de un árbol se aparece él, mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio aplauden: ¡viva, viva, viva los locos que inventaron el amor! La mort de Carlos Gardel en 1935 coïncide avec une période de désenchantement. Depuis 1929, la crise économique s'est abattue sur le pays. L'Argentine est aux abois. La vie publique est gangrénée par la fraude électorale et une forme de gangstérisme politique. Culturellement, certes, les années 40 sont l'âge d'or de la radio qui propage dans les différents milieux des références communes. On danse toujours le tango, devenu culture de masse dans les milongas, même si ailleurs on danse aussi le jazz ou le tropical. Mais en 1947 arrive au pouvoir Juan Perón qui sera 8 ans plus tard renversé par la dictature militaire. L'austérité s'abattra alors sur tout le pays et le tango, avec son éternel esprit de résistance, sera toujours plus mal vu. On aura peur bientôt de le danser en public. Le tango perdra alors peu à peu sa condition de musique populaire, même si plus tard émergeront d'autres ambassadeurs sublimes à l'image d'Astor Piazzolla. Le peuple argentin, lui, n'oubliera jamais Carlos Gardel, le tango étant, selon l'adage, une pensée triste qui se danse. Por tu amor, si no tengo nada que perder, si no me lo das tú, otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien. Porque sin amor yo no vivo, soy como el niño desaparecido, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado, los asesinatos sin testigos. No mendigo, solo pido porque tengo mucho que ofrecer. Ahí está el placer de saber ese ruido, aunque me equivoque, todo vale. En mi mente en vilo desde el principio, con la verdad a cuestas, me acuesto con lo mismo y digo que me levante. Soy lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron los viejos y viejas que escuché. Déjamelo hacer, yo creo que está bien, nunca es tarde para rectificar, tú y yo lo podemos hacer. Pierdo esta carta pero estoy en el andén, de aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Pierdo esta carta pero estoy en el andén, de aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. C'est sur ce El Anden, moins mélancolique et plus combatif, interprété en 2007 par le groupe de néo-tango Bajo Fondo, que se referme ce numéro de Métronomique. Aujourd'hui 1935, Buenos Aires, le tango orphelin. Cuchame. Cette émission d'Amaury Chardot, réalisée par Anne Kobilac, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 octobre 2017. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.